On n'en a jamais autant entendu parler depuis que Liu Cixin en a fait une brillante trilogie de science-fiction. Le problème à trois corps, ou comment trois corps célestes interagissent gravitationnellement en fonction de leur masse, de leur position et de leur vitesse initiale. Le plus proche exemple est notre voisin galactique, le système Alpha du Centaure, qui possède trois étoiles. Or, si l'on sait parfaitement décrire des systèmes à deux corps, les systèmes à trois corps sont de véritables casse-têtes mathématiques qui nous amènent à penser tout système à n corps, comme notre propre système solaire, comme un système non pas stable mais instable, qui à tout moment, en fonction de variations minimes des conditions initiales, peut basculer dans le chaos. Problème à trois corps, le casse-tête céleste, c'est le programme mécanique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour retracer l'histoire de ce casse-tête céleste depuis Galilée en passant par Newton, Laplace et bien sûr Poincaré, vous allez voir que c'est une sorte de feuilleton épistémologique passionnant. Nous avons le plaisir de recevoir à distance, comme il se doit, Alain Chancinaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur émérite à l'Université Paris 7. Vous avez créé le laboratoire Astronomie et Systèmes Dynamiques à l'Institut de Mécanique Céleste de l'Observatoire de Paris avec notre deuxième invité que je salue. Bonjour Jacques Lascar. Bonjour. Vous êtes astronome, directeur de recherche CNRS, directeur de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides à l'Observatoire de Paris. Mais avant de plonger dans les origines de ce casse-tête de mécanique céleste, on fait le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une expérience en laboratoire qui atteste qu'il serait possible de tirer de l'énergie d'un trou noir. Cette étude autour de la physique extrême des trous noirs est parue hier dans la revue Nature Physics. Alors on sait qu'un trou noir, c'est un objet duquel rien ne peut sortir. Mais en 1969, Roger Penrose a prédit qu'il serait possible d'en extraire de l'énergie grâce à sa rotation. Puis dans les années 70, le physicien Yakov Zeldovich a prédit que ces mécanismes pourrait être testé avec des ondes électromagnétiques. Ça n'a jamais été vérifié expérimentalement. Mais les chercheurs de l'université de Glasgow ont eu une autre idée. Tester ces mécanismes, non pas avec des ondes électromagnétiques, mais avec des ondes acoustiques, avec du son plutôt que de la lumière. Ils ont tiré des ondes sonores sur un disque rotatif, et lorsque ces ondes traversaient ce disque, la hauteur tonale était amplifiée jusqu'à 30%. 50 ans plus tard, le processus de Penrose est enfin expérimenté. Alejandro Pérez est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Il est membre de l'équipe de gravité quantique. Il y a certains aspects qui sont semblables à ce qui se passe dans le processus de Penrose. C'est un mécanisme qui permet d'extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation. Et la raison pour laquelle on peut faire ça, c'est très étonnante. Près d'un trou noir qui est en rotation, l'énergie, dans des situations normales, l'énergie est toujours positive. L'énergie négative n'existe pas. Par contre, parce que le temps et l'espace sont complètement bouleversés par la présence d'un trou noir, tout près de cette région, de cette frontière du trou noir, quand il est en rotation, le temps et l'espace sont interchangés et donc tout près de ce trou noir, l'énergie peut être négative. Et donc Penrose a utilisé cette possibilité, le fait que l'énergie peut être négative près d'un trou noir, pour montrer qu'on peut extraire de l'énergie d'un trou noir en faisant avaler à ce trou noir quelque chose avec l'énergie négative. Par conservation de l'énergie, on aura gagné de l'énergie à l'extérieur du trou noir. Et ça s'appelle le processus de Penrose. Dans les cas de l'expérience faite ici, dans cet article, les ondes acoustiques sont amplifiées par la rotation d'un objet en rotation et l'énergie vient de cet objet en rotation. La chose qui rend cette expérience très attractive, c'est l'analogie avec le processus de Penrose dans le cadre d'un trou noir. Alors, pour ces cas-là, on est loin de pouvoir faire un test direct du processus de Penrose. Par contre, il faut dire que le processus de Penrose est connu pour être une des clés dans la génération d'énergie dans de trous noirs supermassifs qui produisent des jets de matière, donc ce qu'on appelle les quasars. Donc ces jets de matière sont observés, donc il y a une vérification indirecte de l'existence de ce processus de Penrose. Voilà, si vous voulez retrouver l'étude qui a donné lieu à ce sujet et à cette interview, c'est-à-dire celle qui a été publiée dans Nature Physics, vous pouvez retrouver le lien sur notre fil Twitter comme chaque jour, @lamethodefc, et puis évidemment sur le site de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Et notre point quotidien sur l'épidémie de Covid, selon une étude parue dans le journal MBio, les vaccins infantiles pourraient également offrir une protection contre les symptômes graves provoqués par le SARS-CoV-2. Il y a déjà plusieurs preuves qui vont dans ce sens. Les vaccins vivants atténués, tels que le vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, offrirait une protection contre les affections qui ne sont pas liées aux pathogènes initialement ciblés. C'est ce qu'on appelle l'immunité innée entraînée. Les précurseurs de leucocytes dans la moelle osseuse sont entraînés par le vaccin à mieux fonctionner contre les agressions infectieuses plus larges. C'est ce qui expliquerait pourquoi aussi les enfants ont moins de chances d'être affectés par la Covid-19. Et puisqu'il n'y a aucune contre-indication à la vaccination ROR, les auteurs de ce papier suggèrent de mener un essai clinique avec le vaccin ROR chez les populations à haut risque. Le gouvernement a annoncé vouloir relocaliser toute la chaîne de production de paracétamol. La crise sanitaire et la quarantaine mondiale ont fait naître des craintes de pénurie de médicaments. Le paracétamol, l'antalgique le plus consommé en France, est conditionné sur place, mais ses principes actifs, eux, sont fabriqués en Chine ou en Inde. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Solidarités et de la Santé souhaitent relocaliser et rapatrier ces industries de la santé sur le sol français d'ici 3 ans. Des négociations sont en cours avec les grands fabricants de paracétamol, Séquence, UPSA et Sanofi. Et enfin, selon le dernier rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, il y a de plus en plus d'internements forcés dans les hôpitaux psychiatriques. Ouais, les soins forcés représentent 40% des admissions, alors qu'ils sont censés être des pratiques de dernier recours. L'ensemble de ce rapport dénonce des enfermements illégaux et de graves atteintes aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées. Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, s'inquiète de l'augmentation de ces dérives et elle appelle à une réforme des établissements de santé mentale. Elle constate des dégradations des conditions d'hospitalisation et un abandon des pouvoirs politiques. La crise de l'hôpital public n'épargne pas la psychiatrie. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Avant d'être le titre d'une trilogie de romans de science-fiction à succès, dont nous vous avons d'ailleurs souvent parlé dans cette émission, le problème à trois corps, que l'on appelle plus généralement le problème des trois corps, est avant tout un problème de mécanique céleste captivant. Et à peu près insoluble d'ailleurs. Si l'on sait parfaitement décrire les interactions gravitationnelles de deux corps célestes, dès que l'on en ajoute un troisième, tout devient extraordinairement complexe. Et ça ne s'arrête bien évidemment pas à trois corps, parce que si l'on étend ce casse-tête à N corps, comme notre système solaire par exemple, que l'on imagine absolument stable, rodé comme un coucou suisse, eh bien on se rend compte que tout cela est très probablement faux, que d'infimes perturbations, liées notamment aux conditions initiales, peuvent faire, à longue échéance, basculer tous ces systèmes dans le chaos, comme par exemple pour nous éjecter la Terre du système solaire ou Mars ou Vénus, ce qui est, comme nous allons le voir, l'une des solutions possibles, mais seulement l'une d'entre elles, de l'évolution du système à N corps, qui est notre système. Nous en parlons de ce fascinant casse-tête céleste avec Alain Chancinère et Jacques Lascar. Peut-être un mot pour évacuer la science-fiction et de revenir à la science tout court. Vous avez lu cette trilogie de Liu Cixin, Le problème à trois corps, l'un et l'autre, Alain Chancinère? Oui, absolument, oui. Jacques Lascar, vous l'avez lu aussi ? Non, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai sur ma table de chevet. Bon, Alain Chancinère, est-ce que ce que propose Liu Cixin, parce que je le rappelle, il parle d'un système qui est très proche, qui est le système d'Alpha Centauri, qui est un système à trois corps dont on va d'ailleurs reparler. Il trouve une résolution qui vous satisfait, qui satisfait le scientifique que vous êtes ? Liu Cixin s'est bien renseigné. Et d'ailleurs, son traducteur anglais, Ken Liu, qui est un informaticien, mais qui connaît pas mal de mathématiques, a bien regardé, a ajouté des précisions. Mais bon, ça n'est pas quand même un ouvrage scientifique, mais c'est une très belle utopie. Assez effrayante, d'ailleurs. Oui. Donc, voilà. Absolument. On en a reparlé. On va vous remettre aussi, si vous le souhaitez, les liens où il a été question de cette trilogie. Si on s'appuie, en tout cas, pour commencer sur ce que l'on peut observer, ce qui est juste à côté de nous, ce système alpha du Centaure. Quand on dit finalement que on ne peut pas résoudre un problème, ce fameux problème des trois corps, pourtant alpha du Centaure, c'est juste à côté de nous. Comment se fait-il que, par la simple observation du système solaire qui est le plus proche, on ne puisse pas en déduire un fonctionnement de ces problèmes à trois corps? Alain Chancinère. Non, c'est une très bonne question. Et alors, peut-être que je vais commencer, c'est pas par là que j'avais l'intention de commencer, mais puisque vous posez la question, par une remarque d'un, de Vladimir Bielitsky, qui était un mathématicien et physicien russe qui est mort il y a 3 ans, et qui a écrit un très bel essai sur le mouvement des corps célestes, et dans lequel il écrit la chose suivante. Des êtres doués de raison et habitant une planète dans un système d'étoiles doubles seraient franchement déshérités par la nature en comparaison avec l'humanité de la planète Terre, d'éventuels chercheurs auront mis un temps fou à expliquer son mouvement et n'arriveront probablement jamais à comprendre qu'il est régi par une loi toute simple qui tient compte de l'attraction de la planète pour chacune des étoiles. Autrement dit, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance que le Soleil soit beaucoup plus massif que les planètes. Et donc, en première approximation, on peut considérer que finalement le mouvement d'une planète est essentiellement régi par son attraction par le Soleil. Et c'est ce qui a permis, commençons à Kepler, suivant les observations de l'astronome danois Tycho Brahe, trouve ces 3 lois. Hein, je rappelle, en 1609, il y a l'Astronomia Nova avec les 2 premières lois, que une planète autour du Soleil décrit une ellipse, ce qui est une révolution par rapport aux mouvements circulaires qui sont encore la panacée pour Galilée, par exemple, qui est contemporain. Et la 2e loi, c'est que l'air balayé par le rayon vecteur est proportionnel au temps. Et puis en 1619, dans les Harmonies Celestes Mundi, c'est la 3e loi qui donne ce qu'on appelle la loi de la période, qui est le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe, qui dit combien de temps il faut pour parcourir cette ellipse. Alors, comme le dit Kessler dans ce très beau roman qui est Les Somnambules, c'est la ligne de partage des eaux qui est Kepler. Il est vraiment entre la période précédente et la période moderne. Il a aussi des explications très magiques, il fait de l'astrologie, mais en même temps, il décrit ces lois du mouvement elliptique qui sont tout à fait extraordinaires, et auxquelles Galilée, d'ailleurs, ne souffrira jamais, semble-t-il, bien qu'il ait eu le manuscrit de Kepler. Je vais vous interrompre un instant, Alain Chancinière, parce qu'on va revenir, oui, hein, évidemment, sur toute l'histoire. J'aimerais tout de même avoir, pour rester encore une fois sur ce lien que l'on peut avoir entre ce problème de mécanique céleste que l'on dit insoluble et finalement l'extrême proximité de ce système à 3 étoiles qui est Alpha Centauri. Comment se fait-il, Jacques Lascar, j'aimerais votre point de vue tout de même d'astronome, comment se fait-il que, bien, on ne puisse pas conclure ou trouver des solutions à ce problème par la simple observation de ce système triple qui nous juxte dans la galaxie? Le système est déjà très lointain. On pourrait penser à des choses beaucoup plus proches où on a eu beaucoup de mal aussi à comprendre le mouvement, et c'est l'exemple Soleil-Terre-Lune. Ça, c'est un exemple aussi de problème à 3 corps qu'on peut, en première approximation, isoler des perturbations exercées par les planètes. Et ça a été un casse-tête pour les astronomes au XVIIIe siècle. En fait, même après la loi de Newton qui a permis de comprendre en première approximation le mouvement elliptique des planètes, mais Newton aussi a regardé le problème de la Lune. Et le problème de la Lune, c'est que la Lune ne se comportait pas comme, en gros, on pouvait imaginer pour une première approximation des lois de gravitation. Et ça a posé, les astronomes et mathématiciens du XVIIIe siècle se sont un peu cassés la tête, les dents là-dessus, jusqu'à ce que, en faisant des calculs à une approximation un petit peu plus poussée, ils sont arrivés à se convaincre que il ne fallait pas changer la loi, hein, parce qu'ils se sont posé la question, ils se sont dit, tiens, on n'y arrive tellement pas, peut-être que la loi de Newton n'est pas la bonne loi. Mais Jacques Lascar, comment aurait dû se comporter justement la Lune selon ses premières approximations? Qu'est-ce qu'ils attendaient finalement? Ce qui se passait, c'était le problème du mouvement. L'orbite de la Lune est un peu excentrique, et ça c'est visible, ça se voit dans les observations. Et en fait, le périhélie, c'est-à-dire l'endroit où la Lune est au plus près de la Terre, bouge dans le temps, il précesse dans le temps. Et en fait, la période qui était trouvée était 2 fois plus longue que la période observée. Donc, ils se sont demandé à un moment s'il n'y avait pas un facteur 2 quelque part qui manquait. Hein, il a fallu les calculs de D'Alembert, de Clairaut, pour arriver à voir après que en se... téléphone qui sonne. Allez-y, je vous laisse reprendre. Non, mais je réponds pas. C'est peut-être serait-il mieux de le mettre en silencieux pour le reste de l'heure. Ça vous évitera d'être perturbé par des appels intempestifs. Bon, c'est pas grave. Allez-y. En tout cas, donc là, avec un calcul, parce qu'en fait, on ne peut pas, dès qu'on met un troisième corps, on n'a pas une solution exacte. On n'a pas une solution comme pour le problème à deux corps où on retrouve la solution du mouvement de Kepler. Donc avec des solutions explicites, exactes. Donc là, les astronomes utilisaient des méthodes de perturbation. Méthode de perturbation, c'est on se dit l'effet du troisième corps est petit. Et donc, on va prendre d'abord comme s'il n'existait pas, et après, on regarde les corrections apportées par ce troisième corps. Et ça, on peut le faire par des développements analytiques, c'est les séries de la mécanique céleste, on va faire des développements analytiques. Alors, ces développements sont très compliqués, mais au début, on voyait qu'en prenant juste les premiers termes, on avait quelque chose qui marchait assez bien, qui donnait les bonnes valeurs des résultats. En particulier, par exemple, pour la Lune, le mouvement du plan de l'orbite de la Lune, c'est-à-dire le nœud de la Lune, ce qu'on appelle le nœud de l'orbite de la Lune sur le plan de l'orbite de la Terre, lui, on trouvait la bonne valeur. On trouvait exactement la valeur qui était observée. Et pour le périhélie, ça ne marchait pas. Et qui plus est, non seulement ça ne marchait pas, mais avec un facteur quasiment 2. On se dit un facteur 2, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui manque dans la loi, en fait. Mais ça, changer la loi, c'est les astronomes et les mathématiciens, c'est vraiment la chose à faire en dernière extrémité. Et en gros, ils ont quand même cherché plus loin avant de chercher à changer la loi. Et par un calcul plus poussé, à ce moment-là, ils ont trouvé qu'ils retrouvaient la bonne valeur pour le mouvement du périhélie de la Lune. Et donc ça, c'était une très grosse confirmation du fait que la loi Newton, c'était bien la bonne loi pour expliquer le mouvement des planètes et des corps célestes. Et donc, ça a pu continuer comme ça, sauf qu'on a trouvé d'autres problèmes aussi en regardant de plus près le mouvement des planètes. Et c'est ce dont nous allons parler tout au long de cette heure. Quand on rajoute des corps, et bien plus on en rajoute, plus ça devient compliqué. Mais dès le troisième, vous allez voir. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc du problème, de ce qu'on appelle le problème des trois corps ou le problème à trois corps, étant entendu que ces corps sont des corps célestes. Nous en parlons avec Alain Chancinet et Jacques Lascar. Peut-être qu'on peut revenir à deux corps déjà pour bien dire que l'interaction de deux corps célestes, c'est ce que vous venez d'expliquer Jacques Lascar, hein, Alain Chancinet. Deux corps célestes, c'est Newton qui les décrit dans sa loi universelle de la gravitation et ça marche très bien. Pourquoi ça marche pas quand on rajoute un corps? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça devient beaucoup, beaucoup plus complexe alors qu'on ne fait finalement que rajouter un élément à une mécanique? Oui, si je peux répondre d'abord. Bien sûr, Alain Chancinet, c'était pour vous. Oui, pour revenir sur la loi de Newton, donc, qui dit que deux corps s'attirent proportionnellement à l'inverse du carré de la distance et proportionnellement à leur masse. Il y a déjà une proposition qui est remarquable dans le troisième volume des Principia de Newton, qui est de dire que si un corps a une symétrie sphérique, l'attraction qu'il a sur les masses à l'extérieur est la même que si toute la masse était concentrée au centre de gravité. Autrement dit, ce que dit cette proposition très importante de théorie du potentiel, si on veut, c'est que le problème mathématique des trois corps, où ce sont des masses ponctuelles qui s'attirent, n'est pas stupide. C'est un problème qui a un sens physique. Voilà. Donc ça, c'est une proposition très importante. Alors la deuxième chose que je voulais dire pour ajouter à ce qu'a dit Jacques sur le problème du périgée de la Lune, c'est que le 15 novembre 1747, Clairaut fait une communication à l'Académie des sciences et effectivement, sur la base de ce problème du double de la période par rapport à la période observée, dit qu'il faut changer la loi de Newton, qu'il faut ajouter au terme en 1 sur R2 un terme en 1 sur R3, pour corriger. Et ça n'est que quelques temps après qu'il s'aperçoit que effectivement, en allant plus loin, comme Jacques l'a dit, dans les perturbations au deuxième ordre, eh bien, on rétablit effectivement à peu près la coïncidence avec les observations. Et d'ailleurs, il y a une chose amusante, si on lit l'article Lune dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui a été rédigé par d'Alembert, on s'aperçoit combien d'Alembert est amer de cette situation où il dit « mais on n'a pas vraiment regardé ce que j'ai fait moi sur la théorie de la Lune et j'avais déjà compris ça ». Donc voilà, c'est un petit point d'histoire des sciences amusant. Jacques Lascar, du coup, pour revenir à cette question, qu'est-ce qui complique finalement tant cette mécanique céleste parce que l'on est en train de décrire et cette non-correspondance des calculs avec les observations, c'est parce que en fait il fallait on ne considérait à l'époque que le système double Terre-Lune, alors qu'il fallait comprendre pour arriver à faire coïncider ces calculs avec ces observations ce système triple, donc ce système à trois corps que sont la Terre, la Lune et le Soleil. Mais en fait, déjà, le problème à deux corps, c'est déjà un problème très compliqué. Et on a la chance que ce soit un problème dégénéré. C'est-à-dire, normalement, on ne devrait pas voir... Les orbites sont des ellipses fixes. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on a un potentiel bien particulier qui nous donne cette dégénérescence et le fait que l'orbite elliptique, là, soit fixe. Dans un problème général, cette orbite même serait beaucoup plus compliquée, ce ne serait pas une ellipse, mais ce serait une ellipse qui précesserait dans le plan, avec un plan qui précesserait dans l'espace, donc on aurait déjà un mouvement beaucoup plus compliqué qui aurait été beaucoup plus difficile à appréhender d'emblée. Donc là, on ne se poserait pas la question pourquoi c'est plus compliqué quand on rajoute un autre corps. Mmh. Ce serait déjà compliqué rien qu'avec deux corps. D'ailleurs, le problème relativiste à deux corps, donc où là, le potentiel est différent, il est déjà très compliqué. Maintenant, on reprend quand même à deux corps. Pourquoi est-ce que quand on rajoute un troisième corps, c'est plus compliqué? Parce que là, quand on est à deux corps, on a un problème qui est intégrable. Donc, on a quand même des solutions que l'on peut exprimer de manière analytique. Donc, on peut les sortir pour un temps infini et puis on a stabilité pour un temps infini. Dès qu'on rajoute un troisième corps, et c'est ça qu'avait compris Poincaré, on a un problème qui n'est plus intégrable. Et donc, on ne peut plus sortir une solution analytique qui est valable pour l'ensemble des conditions initiales et qui est valable pour un temps infini. Peut-être qu'on peut continuer par justement le fil chronologique ou le fil historique avant d'arriver à Poincaré. Ou est-ce qu'on peut dire que les premières personnes à trouver ou à découvrir des familles de solutions après Newton sont Euler et Laplace. Un petit mot là-dessus peut-être, Alain Chancinère. Oui, il y a la période, moi je distinguerais la période Euler-Clairaut-D'Alembert, voilà. On a parlé de Clairaut-D'Alembert, donc ça c'est vraiment le 18e siècle, et ensuite il y a la période fin du 18e et début du 19e, qui est Laplace, Lagrange, puis ensuite Poisson, Le Verrier, Delaunay, enfin, il y a énormément de noms, mais Laplace et Lagrange, chacun ont écrit un grand traité, le traité de mécanique céleste qui a commencé à apparaître dans l'ancêtre de Laplace, le traité la mécanique analytique de Lagrange de 1788, dont on voit aujourd'hui les origines de ce qu'on appelle en mathématiques la géométrie symplectique, où déjà se pose le problème de la stabilité, des perturbations, de ce qu'on appelle les inégalités séculaires, et puis ça culminera avec la découverte de Neptune par Le Verrier et Adams, donc Le Verrier c'est 1846, puis la théorie de la Lune extrêmement compliquée de Delaunay, et disons cette période se clôt avec le grand traité de Tisserand, de Félix Tisserand, qui est écrit entre 1888 et 1896, son grand traité de mécanique céleste, dont Poincaré dira « Je ne vais pas refaire ce qui a été fait et bien fait par Tisserand ». Donc il se réfère à Tisserand pour tout ce qui le précède, en quelque sorte. Mmh. Et ensuite, on en arrive à Poincaré. Alors, comme Jacques l'a dit, Ce que fait Poincaré, je vais peut-être lire une petite. J'avais préparé une petite citation de Poincaré qui est assez remarquable. Je vous en prie. Ce que dit Poincaré, c'est le passage de la mécanique analytique où on cherche simplement à comprendre à résoudre effectivement, à trouver des formules, à trouver résoudre les équations, même par approximation, à décrire vraiment qualitativement ce qui se passe sur de très longues périodes. Donc voilà la citation de Poincaré. Prenons par exemple le problème des trois corps. Ne peut-on pas se demander si l'un des corps restera toujours dans une certaine région du ciel, ou bien s'il pourra s'éloigner indéfiniment, si la distance de deux corps augmentera ou diminuera à l'infini, ou bien si elle restera comprise entre certaines limites. Ne peut-on pas se poser 1000 questions de ce genre qui seront toutes résolues quand on saura construire qualitativement, c'est ça le mot important, les trajectoires des trois corps. Et si l'on considère un nombre plus grand de corps, qu'est-ce que la question de l'invariabilité des éléments des planètes, sinon une véritable question de géométrie qualitative, puisque faire voir que le grand axe n'a pas de variation séculaire, c'est montrer qu'il oscille constamment entre certaines limites. Tel est le vaste champ de découvertes qui s'ouvre devant la géomètre. Donc il faut savoir que Poincaré est un des créateurs de ce qu'on appelle la topologie, qui est absolument fondamentale dans les mathématiques d'aujourd'hui, et que le problème des trois corps est une des raisons pour lesquelles il s'intéresse énormément à la topologie. Donc, Jacques a parlé de la non-intégrabilité. Qu'est-ce que veut dire la non-intégrabilité ? Ben, ça veut dire effectivement, comme il l'a dit, qu'on ne trouve pas des formules closes sur elles-mêmes qui permettent, sur un temps infini, de donner les solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas résoudre les équations. Il y a un théorème d'existence et d'unicité des solutions qui dit que chaque fois qu'on se donne exactement des données initiales de position et de vitesse des corps, eh bien, on peut infiniment dans le passé et dans l'avenir prédire le mouvement. Par contre, la non-intégrabilité dit que sur ces formules, sur ces séries, celle de Zuhlmann par exemple, eh bien, on ne sait pas lire ce qui va se passer. On ne sait pas si, justement, Mercure va s'échapper ou si Vénus va rencontrer la Terre. On est incapable de dire ça, et c'est pour ça qu'il faut du qualitatif. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant peut-être effectivement, ce qu'on peut préciser, Jacques Lascar, c'est que ce qui est en jeu et ce que vient de nous lire à l'instant Alain Chancinaire, c'est que ce qui va être pointé par Poincaré, ce qui va être isolé en tout cas, c'est la question justement de l'invariabilité de ces systèmes, de la stabilité de ces systèmes. On peut avoir l'impression, et aujourd'hui encore pour nos auditrices ou nos auditeurs, que cette mécanique céleste, celle que l'on décrit quand on parle aujourd'hui du fonctionnement du système solaire, qui est quand même relativement bien connu, on peut le dire, et bien que cette mécanique céleste, depuis qu'elle s'est stabilisée, depuis que les modèles de formation type modèle de Nice ou grand axe se sont un peu interrompus, et bien que tout ça tourne et que tout ça tourne et restera bien dans cet état de stabilité-là jusqu'à la fin du Soleil, jusqu'à la fin du système solaire. Or, ce que pointe Poincaré, c'est que précisément, cette stabilité est illusoire, qu'il n'y a pas d'invariabilité justement à cause de la mécanique du soleil, céleste, de ce problème dit à N corps. Je voudrais juste revenir un petit peu là, sur le 19e siècle. Mm-hmm. En fait, au 18e siècle, on a parlé là du problème de la Lune, problème à trois corps, qui était très compliqué, et en fait, finalement, qui est rentré dans le rang, en allant un petit peu plus loin dans les équations. Et il y avait un autre problème aussi, c'est une irrégularité dans les mouvements de Jupiter et Saturne, qui faisait croire aussi à une dérive des grands axes, hein, des planètes. Et pareil, disons que ça a été au 18e siècle, Lagrange, Laplace, ont montré que finalement, si on allait plus loin dans les calculs, et si on ne se trompait pas, parce que tout le monde s'est trompé sur ces calculs, les plus grands mathématiciens se sont trompés, mais si on ne se trompait pas, en fait, on retrouvait quelque chose qui était compatible avec la loi Newton. Et finalement, après, au 19e siècle, on va gagner en confiance dans cette loi Newton, on va gagner en confiance dans les développements perturbatifs de la mécanique céleste, et l'idée, ce sera que plus on va loin dans les calculs, ça a été les grands calculs de Delaunay ou de Le Verrier, plus on va avoir une solution précise. Et plus on va pouvoir prédire les choses sur un temps long. Et l'apogée va être donnée par la découverte de Neptune par Le Verrier, qui justement, avec juste les équations de la mécanique céleste, arrive même à prédire l'existence d'une planète, à cause des perturbations qu'elle exerce sur les autres, sur Uranus. Donc en fait, c'est un petit peu tout ça, cette idée de confiance de plus en plus grande dans le modèle, dans les équations. Et ce que Poincaré donc va apporter, c'est va dire, ah oui, mais attention, c'est pas en prolongeant de plus en plus loin vos développements en série, c'est pas en rajoutant des termes dans vos calculs, c'est pas en les rendant de plus en plus complexes que vous obtiendrez une solution qui va devenir de plus en plus précise. Et il a montré donc la possibilité d'instabilité. Mais Poincaré lui-même ne croyait pas que ça s'appliquait à la stabilité du système solaire, en fait. Il a écrit un texte très intéressant de vulgarisation où lui, en fait, il pense que ces effets n'ont lieu qu'à très très long terme et qu'il y a des effets très petits mais dissipatifs qui vont prendre le devant et qui vont empêcher, qui vont en fait stabiliser le système. Et ça, c'est... Et donc après, les gens ont toujours... sont toujours partis du principe que le système était stable, qu'en gros, parce qu'on y était, il était stable. Et les mathématiciens, après Poincaré, malgré le fait que Poincaré ait montré la possibilité de solutions instables, les mathématiciens vont se dire, ah oui, mais est-ce que, bien qu'il existe des solutions instables, est-ce qu'il n'y a pas des conditions particulières où on aurait des solutions stables et qui permettraient donc de montrer que le système solaire est stable. Et ça a été ça avait été déjà entrevu par Poincaré, mais ça a été vraiment mis en forme et en évidence par Kolmogorov d'abord en 1954 et repris ensuite par Arnold et Moser, et c'était le fameux théorème Kamm. Oui, on va en parler dans un instant, juste après la coupe musicale. Ce qui est intéressant, et là aussi ça relève un peu de l'anecdote, mais c'est tout de même intéressant de le savoir, c'est que à la toute fin du 19e, la question de cette réponse du problème à Helenkor, elle est lancée par le roi de Suède de l'époque, Oscar II, qui pour son anniversaire décide de créer un prix pour récompenser le meilleur mémoire sur ce problème à Helenkor dans ces termes-ci, étant donné un système de Helenkor qui s'attire mutuellement conformément à la loi de la gravitation et en supposant qu'il n'y ait jamais de collision entre deux corps, donner les coordonnées des corps individuels pour n'importe quel moment de l'avenir ou du passé sous la forme d'une série uniformément convergente dont les termes sont composés de fonctions connues. Et donc c'est Poincaré qui va remporter ce prix, non pas en donnant une solution, mais en montrant précisément, Jacques Lascar, bien qu'il n'y en a pas. Oui, en fait, il va en un premier temps montrer qu'il y en a, et après... en fait, réaliser qu'il s'est trompé. Voilà, qu'il n'y a pas de solution exacte, plutôt. Non, mais il va, dans sa première version, il répond à la question en montrant qu'il y a une solution. Et c'est uniquement après une relecture du manuscrit, au moment d'être publié par un jeune chercheur, mathématicien, qui signale en fait un problème à Poincaré, et Poincaré reprend sa copie, et réalise en fait qu'il s'était trompé, mais c'était pas une... Et réalise en fait que ce qu'il pensait, disons qu'il y avait deux courbes qu'il pensait être confondues, et en fait il réalise qu'elles ne sont pas confondues, qu'elles se coupent, mais qu'elles se coupent avec un angle infiniment petit. Mais le fait qu'elles se coupent avec cet angle infiniment petit fait qu'elles vont se recouper comme ça un grand nombre de fois, et en fait c'est là qu'existent les mouvements qu'on va appeler chaotiques après. Et c'est là que, en fait, peuvent exister des instabilités. Et donc, c'est dans la deuxième révision de Poincaré de ce mémoire qu'il montre l'existence de ces mouvements instables dans le problème des trois corps. Et c'est ce dont il va être question dans la deuxième partie de l'émission. Vous venez de l'évoquer, Jacques Lascar, hein, des mathématiques chaotiques. On a parlé de sensibilité aux conditions initiales. Les auditrices et les auditeurs de la méthode scientifique ont l'habitude de cette terminologie. On va rentrer, on va mettre un peu les mains dans ces théories du chaos. Tu glisses, tu verses tous les vices. Moi, je viendrai seul, je viendrai là-bas. ma peau. Tous les vestiges du chaos. Et quand ta bouche murmure crisse, les draps se froissent et m'engloutissent. Ou moi, je viendrai seul. Je viendrai là-bas. Ou moi, je viendrai seul. Je viendrai vers toi. Les vestiges du chaos de, du très regretté Christophe à 16h35 sur France Culture. Belle question un peu de mathématiques chaotiques, vous allez l'entendre dans cette deuxième partie d'émission, puisque nous parlons du problème à trois corps, de cette mécanique céleste insoluble. Nous en parlons avec Alain Chancinaire, qui est mathématicien, professeur émérite à l'Université Paris 7, co-créateur avec Jacques Lascar, qui est notre second invité du laboratoire astronomie et systèmes dynamiques à l'Institut de mécanique céleste de l'Observatoire de Paris, et donc Jacques Lascar, qui est astronome, directeur de recherche CNRS, directeur de l'Institut de mécanique céleste. Peut-être, justement, un mot là-dessus, sur cette question de la sensibilité aux conditions initiales. Vous pouvez nous redire peut-être en quelques mots, Alain Chancinaire, pour les auditrices et les auditeurs qui ne sont pas tout à fait familiers avec cette terminologie, de quoi on parle ? Qu'est-ce que ça veut dire que la sensibilité aux conditions initiales et pourquoi est-ce qu'elle est très importante dans ces problèmes à N corps ? Absolument, mais laissez-moi d'abord une minute revenir sur ce qu'a dit Jacques du fait que sur la stabilité. Je vous en prie. Je voudrais quand même rappeler que Newton, à la fin de son traité d'optique, c'est pas dans les Principia, dit que explicitement, au bout d'un certain temps, le système va se détraquer et il faut que Dieu le remette en ordre de temps en temps. Donc, c'est déjà de l'instabilité. Alors, la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, donc à propos de ce chaos, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup, parce que chaos, ça veut dire sans structure, mais enfin, il est admis aujourd'hui. Quand Jacques dit que le problème des trois corps est rentré dans le rang, c'est effectivement vrai pour tout ce qui concerne les théories de perturbation, c'est-à-dire quand on a des systèmes comme, par exemple, le système solaire, qui sont proches de systèmes dans lesquels les influences mutuelles des planètes sont beaucoup plus faibles que l'influence sur elles du Soleil. Mais, par contre, si l'on prend le problème global, des solutions qui n'ont plus rien à voir avec des systèmes planétaires, par exemple, eh bien, la situation est très différente. Il faut comprendre que une des choses fondamentales qu'introduit Poincaré, c'est cette vision géométrique de ce qu'on appelle l'espace des phases, c'est-à-dire l'espace de toutes les possibilités de couples de positions et de planètes des trois corps à un instant donné. Donc, c'est un espace qui, une fois qu'on a fait ce qu'on appelle une réduction des symétries, qu'on a éliminé tout ce qu'on peut éliminer, qu'on a tenu compte de tout ce que l'on peut, eh bien, qui pour trois corps dans R3 est de dimension 7, qui trois corps dans R2 est de dimension 5, et pour ce qu'on appelle le problème restreint, qui ressemble un peu au problème de la Lune, où une des masses est nulle, est de dimension 3. Le problème restreint, pardon, juste Alain Chancinière, je précise pour les auditeurs et les auditrices, le problème restreint, c'est de considérer que dans un système à trois corps, lorsque l'un des trois corps est de taille vraiment minime, en fait, il est de taille négligeable et qu'on peut quasiment résumer le système à un système à deux corps. Voilà, je dis ça très rapidement. Comme dans les équations de Newton, la masse d'un corps se trouve des deux côtés, on peut simplifier par la masse, donc ça n'est pas absurde de parler d'un corps de masse nulle. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir qu'une équation différentielle, donc quand on la voit comme un objet géométrique dans un tel espace, et c'est ce qu'on appelle un champ de vecteurs, eh bien, il faut imaginer une espèce que l'espace, cet espace de dimension 7 ou 5, est entièrement rempli par des spaghettis de longueur infinie, et ces spaghettis se tortillent de toutes les façons possibles, certaines partent à l'infini, d'autres se referment en cercle, etc. Et c'est ça la vision globale qu'a Poincaré du problème des trois corps. Et les solutions perturbatives sont dans une région très particulière où effectivement il y a une certaine régularité, et encore justement ce qu'a montré Jacques en particulier pour le système solaire, c'est que cette régularité ne vaut pas pendant un temps infini. Et qu'est-ce que c'est que cette sensibilité par rapport aux conditions initiales ? Eh bien, je ne peux pas faire mieux que de citer Pierre Duhem, qui est un physicien qui, en 1906, écrit un très beau livre qui s'appelle « La théorie physique, son objet, sa structure ». et qui ne parle pas vraiment du problème des trois corps, mais qui parle d'un problème plus simple, qui est ce qu'on appelle le problème des géodésiques sur une surface de courbure négative, qui est traité par Adamar à la fin du 19e siècle, et où ce phénomène se passe. Et il dit, imaginons le front d'un taureau avec les éminences d'où partent les cornes et les oreilles et les cols qui se creusent entre ces éminences, mais allongeant sans limite ses cornes et ses oreilles de telle façon qu'elles s'étendent à l'infini, nous aurons une des surfaces que nous voulons étudier. Et sur une telle surface, le géodésique, c'est-à-dire les courbes qui, entre deux points suffisamment proches, réalisent le minimum de la distance, eh bien, elles vont faire des choses très compliquées. Donc, je n'ai pas le temps de lire le texte de Duhem qui est un peu long, mais essentiellement, si vous portée d'un point donné sur la surface et d'une vitesse initiale, eh bien, ça va déterminer ce qu'on appelle une géodésique, donc c'est ces courbes qui localement sont de plus court chemin entre deux points, et elles vont faire les choses suivantes. Une géodésique va commencer à faire un certain nombre de tours autour d'une corne, et puis revenir, et puis aller un petit peu autour de l'autre corne, et puis encore revenir, et le nombre de tours qui va être fait suivant une corne ou l'autre va faire une suite de nombres qui peuvent être absolument quelconques, et si l'on change un tout petit peu la donnée initiale, c'est-à-dire la position et la vitesse initiale, eh bien, ces nombres seront complètement différents. Et le mathématicien russe Sinaï donne une très belle analogie de ce phénomène, c'est comme jouer au tennis dans une forêt. Si vous jouez au tennis dans une forêt, vous lancez la balle, elle va rebondir sur un arbre, et puis sur un autre, etc. Mais si vous la lancez avec un angle un tout petit peu différent, eh bien, ce qu'elle va faire sera complètement différent. Donc c'est un bel exemple de sensibilité aux données initiales. Ouais. Tout à fait. Jacques Lascar, peut-être un mot, puisque vous évoquiez tout à l'heure Kolmogorov, Arnold et Moser, le théorème CAM, on est donc au XXe siècle, qui finit par stipuler que, alors je parle sous votre contrôle et vous allez évidemment bien sûr me corriger ou préciser mes propos, que grosso modo, le système solaire, en tout cas pour parler du système solaire et de cette question de la stabilité, est quasi périodique et l'orbite des planètes finalement est stable, et on va garder ce théorème comme le fondement de la résolution pour notre système solaire de ce problème à N-Corps, jusqu'à bien des travaux assez récents, dont les vôtres, qui finissent par montrer que, eh bien, en fait, contrairement à l'image ou l'impression que l'on peut en avoir, notre système solaire est vraisemblablement et très potentiellement instable. Ah, alors, je vais préciser, oui, un petit peu. Je vous en prie. En fait, ce que veut dire le théorème CAM, c'est Poincaré avait montré la possibilité et l'existence en fait de zones d'instabilité. Donc les mathématiciens s'étaient posé la question, est-ce qu'il ne peut pas quand même subsister des solutions régulières, des solutions donc stables en temps infini? Et en fait, ce que dit le théorème CAM, c'est que si, et qui a été considéré comme une preuve de la stabilité du système solaire dans son application à des problèmes de mécanique planétaire par Arnold, c'est de dire que si les perturbations sont petites, et là c'est le cas, c'est-à-dire que c'est la masse des planètes est petite, alors non seulement il existe des solutions régulières, mais leur densité tend vers 1. C'est-à-dire que si vous prenez une solution au hasard, vous avez toutes les chances que ce soit une de ces solutions régulières. Donc ça, c'est... Alors jusqu'ici, donc ce théorème, il est vrai, hein, mais c'est juste le problème de si c'est assez petit. Et ça, pour savoir si c'est assez petit, en fait, on peut l'estimer mathématiquement, mais ça, c'est très difficile. Et en fait, dans les estimations mathématiques, Michel Hénon, qui est décédé il y a quelque temps, avait montré que si on fait le calcul, il fallait que les masses des planètes soient plus petites que 10 puissance moins 300, c'est-à-dire plus petit que la masse de l'électron, pour pouvoir appliquer le théorème. Mmh. Donc en fait, ce qui restait, et c'est ça que j'ai fait, moi, à la fin des années 80, c'est de se dire, ah ben, pour vraiment connaître, savoir un petit peu, disons que les mathématiques, le théorème CAM, donne le contexte général, mais ne disent pas où est le système solaire dans ce contexte général. Mmh. Et pour le savoir, en fait, ce que j'ai pu faire, c'est d'utiliser l'intégration des équations sur ordinateur pour arriver à voir où était vraiment le système solaire. Et la conclusion, ça a été qu'en fait, non, le système solaire n'est pas dans cette zone où les perturbations sont petites. Le système solaire est dans une zone chaotique et donc les prédictions sont limitées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, pour faire ces calculs, Disons qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les fins des années 80, il n'était pas possible de mettre directement les équations Newton sur ordinateur pour faire ce calcul, en mettant toutes les planètes. Les Américains essayaient, les Américains avaient même construit un ordinateur spécialement fait pour ça, mais ils n'arrivaient qu'à intégrer que les grosses planètes qui vont plus lentement. Pour tout intégrer, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé, donc c'est assez un clin d'œil de l'histoire, j'ai utilisé justement les développements analytiques du XVIIIe siècle en les poussant, parce que j'utilisais un ordinateur, hein, et en les poussant à l'extrême, pour aboutir à un système d'équations de 150 000 termes, mais où j'avais gommé tous les mouvements rapides des planètes pour ne garder que leurs mouvements lents. Et en fait, les instabilités sont dans ces mouvements lents. Et là, j'ai pu intégrer, donc calculer les trajectoires sur 200 millions d'années et montrer qu'il y avait une très grande sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire cette sensibilité fait qu'une erreur initiale est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années. Et donc potentiellement peut arriver à un certain nombre de scénarios, je crois. Alors là aussi je parle sous votre contrôle, Jacques Lascar, hein, que ça vous a demandé tout ça plus de 7 millions d'heures de calcul pour aboutir à 2500 scénarios, c'est cela ? Ah oui, mais ça c'est après. Ça c'est plus tard. C'est plus tard. Disons qu'initialement, ce que j'avais fait, c'est juste calculer en fait des solutions voisines. Il suffit de calculer, prendre deux solutions, une solution et sa voisine. Justement, Alain Chancinère, tout à l'heure, citait le théorème d'existence des solutions d'une équation différentielle. Celui-là, il est toujours vrai. Si on prend une condition initiale, on a une solution, une seule. Le système est déterministe et cette solution, elle va à l'infini, elle vient de l'infini. Donc, elle est en temps infini. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on est juste à côté de cette solution ? Si on fait une toute petite variation en météo, c'est le battement du papillon. C'est ça, qui peut donner lieu à un cyclone au Brésil. J'allais le dire. C'est ça la sensibilité aux conditions initiales. C'est ça la sensibilité aux conditions initiales. Alors, la deuxième solution qui est partie juste à côté, au début, elle va être très proche. Que dans un système régulier, les deux solutions vont s'éloigner gentiment l'une de l'autre. C'est un système chaotique, elles vont s'éloigner exponentiellement. Et alors, exponentiel, au début, c'est très gentil, hein, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis après, ben, ça double, comme je l'ai dit, c'est multiplié par 10 tous les 10 millions d'années. Donc, par exemple, vous partez avec 15 mètres d'erreur aujourd'hui. Au bout de 10 millions d'années, vous avez 150 mètres d'erreur. Ben, c'est rien, hein, pour un mouvement, pour une position planétaire. Donc, vous n'avez aucun problème pour faire une prédiction sur 10 millions d'années. Mais sur 100 millions d'années, vous avez 150 millions de kilomètres d'erreur, donc la distance Terre-Soleil. Donc vous ne savez plus où est la planète. Ce qui vous conduit à dire qu'il y a une impossibilité stricte de prévoir aujourd'hui et pour toujours, à plus de 60 millions d'années, la mécanique céleste du système solaire. Oui, dis donc, effectivement, c'est 60 millions d'années. Ça, c'est quelque chose que j'ai montré il y a à peu près en 2011, hein, donc il y a près de 10 ans. Et en fait, c'était de considérer aussi les perturbations dues aux astéroïdes, disons qu'aux plus gros des astéroïdes. Et ces astéroïdes, eux, ont un mouvement encore plus chaotique, à plus court terme. Donc, ce n'est plus 10 millions d'années, c'est 50 000 ans. Et ils exercent une petite perturbation sur les planètes. Et en fait, ceci va limiter strictement la possibilité de prédire dans le futur comme dans le passé à 60 millions d'années. Et quand je dis, je le dis des fois de manière un peu provocatrice, je dis oui, on ne peut pas prédire aujourd'hui sur plus de 60 millions d'années, mais dans 1000 ans, on ne pourra pas plus prédire sur plus de 60 millions d'années. C'est-à-dire que... Oui, allez-y, je vous en prie. Parce qu'en fait, on peut se dire, aujourd'hui, mettons, j'ai 15 mètres d'erreur sur les positions des planètes, ce qui est à peu près ce qu'on a dans les meilleurs des cas, hein, pas pour toutes, mais pour certaines. Alors, on peut se dire, on va travailler beaucoup, et puis on va obtenir, non pas 15 mètres, mais 15 millimètres d'erreur. Alors pour ça, il faudra prendre tout ce qui fait des perturbations de 15 mm sur l'ensemble des planètes, c'est-à-dire des tonnes d'astéroïdes. Petits corps qui d'un seul coup font des variations minuscules. On en met 300 dans nos solutions, il faudra en mettre des milliers, des centaines. Bon, mais on y arrive, admettons qu'on y arrive, qu'on fasse ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on a gagné ? En fait, tout ce qu'on va avoir gagné, on a gagné 3 ordres de grandeur, un facteur 1000 sur la position, mais en fait, on va gagner que 3 fois... Le temps d'instabilité, c'est 3 fois 50 000 ans. Donc tout ce qu'on va gagner, c'est au lieu de prédire sur 60 millions d'années, on va pouvoir prédire sur 60 millions et 150 000 ans. Oui. Et si jamais on se dit on va encore travailler une centaine ou un millier d'années pour arriver au micron, et là maintenant mettre en donc au millième de millimètre, hein, c'est-à-dire prendre en compte des dizaines de milliers d'astéroïdes dans le système solaire, prendre en compte les perturbations de tonnes d'étoiles, et ben tout ce qu'on aura gagné, c'est 3 heures de grandeur de plus. 150 millions de plus, voilà, et on arrivera à 60 millions et 300 000. Donc vous voyez en quoi cette limite est stricte. Bien sûr. Peut-être un mot, parce que c'est tout de même assez intéressant, et parce que c'est vrai qu'on se représente tous, et pourtant d'ailleurs il y a une certaine logique à se dire que d'après plusieurs modèles de la constitution du système solaire, le système solaire a beaucoup bougé, en tout cas à sa formation, pourquoi est-ce qu'à un moment donné finalement on peut comprendre qu'il arrive à un moment de stabilité, mais il n'est presque pas logique d'imaginer que cette stabilité soit éternelle ou infinie. Dans certains des scénarios que vous développez, Jacques Lascar, il y a notamment, en prenant Mercure finalement, et notamment l'excentricité de Mercure, qui est peut-être la plus grande du fait de la faible taille de la planète, eh bien, plein de possibilités, et des possibilités qui vont de l'éjection de Mercure du système solaire avant les 5 milliards d'années du passage du Soleil en géante rouge, à parfois même des scénarios qui proposent la collision de plusieurs planètes telluriques. Même plus facilement des collisions que l'éjection de Mercure, mais en fait, justement... Je vous dis, en un premier temps, il n'est pas possible d'aller au-delà de 60 millions d'années. Et ensuite, vous nous faites des modèles sur 5 milliards. Alors, que se passe-t-il, Jacques Lascar ? Des modèles sur 5 milliards. Donc, effectivement, c'est la première chose qu'on dit, c'est on ne peut pas aller plus loin. Et, tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'aller plus loin. Bien sûr, évidemment. Alors, j'ai intégré, c'est ce que j'ai fait donc, en 2008, il y a plus de 10 ans. J'ai calculé, mais en fait, là, si je calcule une seule solution, je sais qu'après 60 millions d'années, c'est plus, ou ça a très peu de chances d'être la solution du système solaire, c'est quasiment nul. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer de perspective. Au lieu de regarder une seule solution, on va raisonner de manière probabiliste. On ne se demande plus quel est le trajet du système solaire, mais on se demande quels sont les trajets possibles pour le système solaire. On cherche à répondre à la question qu'avait posée Newton, justement dans son volume d'optique, c'est est-ce que les planètes peuvent se cogner ? Et là, on peut y répondre que de manière probabiliste. On ne peut pas dire elles vont se cogner, on peut pas dire, ce qu'on peut dire, c'est si elles peuvent se cogner, et on peut éventuellement estimer la probabilité. Donc, pour faire des probabilités, vous savez, pour faire des sondages, hein, quand on fait un sondage dans la population, c'est qu'il faut prendre à peu près 1000, un échantillon de 1000 personnes. Et ben là, c'est pareil. J'ai pris un échantillon, j'ai pas pris 1000, j'ai pris 2500 parce que j'en avais la possibilité. 2500 conditions initiales, toutes compatibles avec ce qu'on connaît de mieux sur le système solaire. Et puis, j'ai laissé tourner 2500 ordinateurs, voilà, donc cœurs d'ordinateurs pendant 6 mois. Pour obtenir à la fin ces statistiques sur l'évolution des trajectoires qui montraient que dans 1% des cas, des planètes pouvaient se cogner, et des planètes, c'était surtout Mercure et Vénus. Et même, dans certains cas, en fait, après, on prend une solution. En fait, on avait une rencontre proche entre la Terre et Mars, mais en reprenant des solutions au voisinage de cette rencontre... Alors, rencontre proche, c'était quand même la surface de la Terre, la surface de Mars à 800 km de la Terre. Ah oui, c'est très proche. Oui, on est du proche-proche. Bon, ce serait assez un assez beau spectacle, et on peut se dire que ce serait aussi comme une collision, parce que les effets de marée vont déformer les planètes, et c'est à peu près comme une collision dans ce cas-là. Mais ça, c'était qu'une solution. Donc si maintenant on fait des toutes petites variations autour de cette solution, eh ben là, on obtient n'importe quoi. On obtient de la déstabilisation complète de tout le système solaire interne, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et donc, on a des collisions planétaires entre toutes ces planètes, et même des possibilités d'éjection de Mars. C'était Mars quand il s'approche trop près de Jupiter. Voilà. Donc, en fait, ça dit que les collisions sont possibles. Hein, donc, le système est instable au point que les collisions sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fréquentes. Hein. C'est quand même, si elles étaient fréquentes, il y aurait eu un problème, parce que il aurait fallu avoir expliquer un petit peu plus pourquoi on a eu un système relativement stable qui permet de... Mais là, c'est cohérent, c'est quelque chose... c'est juste qu'on est En fait, on est à la limite de la stabilité. Il faut pas grand. Disons que si on a des grosses instabilités, elles se manifestent dans un temps qui est à peu près comparable à l'âge du système. Parce qu'en fait, les grosses instabilités, elles ont eu lieu avant. Les planètes se sont cognées, comme par exemple le corps qui a donné lieu à la naissance de la Lune. Et le système, après la collision, est beaucoup plus stable qu'avant, bien sûr. Donc on aboutit à la fin un système où les collisions ne sont possibles que dans des temps beaucoup plus longs que prévu. Un mot avec vous, Alain Chancenière, pour conclure tout de même, parce que si on revient vraiment, alors du coup, à des systèmes plus théoriques et à des problèmes à trois corps, notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui ont été trouvées, des solutions en cas particulier. Je pense à celle de Christopher Moore en 93, qui donne lieu d'ailleurs à des figures dynamiques qu'on a postées sur le fil Twitter, qui sont assez belles à voir et qui peuvent imaginer effectivement des balais célestes. Alors là, on pense plutôt évidemment à des étoiles seules que à des systèmes planétaires complexes. Mais ce qu'on voit, c'est que ces systèmes ou ces solutions, en cas particulier, sont vraiment des modélisations ultra stables qui ne prennent pas, en compte justement les variations des conditions initiales, parce que une fois de plus, et comme le signalait Jacques Lascar tout à l'heure, il suffit d'une petite modification de cette condition initiale pour que ces systèmes si beaux et si réguliers partent dans tous les sens et finissent d'ailleurs, dans beaucoup de cas, par expulser l'un des corps de ces problèmes à trois corps. Il reste quelques secondes à la chance d'air pour commenter ça. Ça dépend. Peut-être qu'effectivement, pour revenir aux solutions simples, il faudrait commencer avec ce qu'on appelle les solutions homographiques de Euler et Lagrange, qui sont des solutions qui peuvent être stables. Par exemple, la solution de Lagrange, qui est un triangle équilatéral, et ceci quelles que soient les masses. Et vous avez les trois corps qui vont former un triangle équilatéral qui vont avoir un mouvement périodique au cours duquel le triangle équilatéral reste dans un même plan et change périodiquement de taille. Mais si une des masses est beaucoup plus grosse que les deux autres, eh bien cette solution va être stable, c'est-à-dire qu'au voisinage, il y aura des mouvements quasi-périodiques qui sont donnés par le théorème de Kolmogorov-Arnold-Moser, le théorème de Kolmogorov. Vous faisiez allusion à cette solution qui avait été trouvée numériquement par Chris Moore et qu'avec Richard Montgomery, on a retrouvé indépendamment et dont on a montré mathématiquement l'existence, qui est le 8, qui a donné lieu en particulier avec Carles Simo aux chorégraphies. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui remonte à une note aussi de Poincaré, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, en 1896, qui propose d'utiliser la méthode variationnelle. On peut trouver des solutions du problème des n corps en minimisant ce qu'on appelle l'intégrale d'action, c'est l'intégrale du Lagrangien, la différence entre et énergie potentielle. Alain Chancenière, je vais être obligé de vous couper, je suis désolé parce qu'on arrive vraiment au bout de cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, on va renvoyer les auditeurs, on vous a mis ces chorégraphies du problème à trois corps sur le fil Twitter. Effectivement, c'est assez intéressant de jouer justement avec ces modèles mathématiques. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, merci Jacques Lascar, merci Alain Chancenière d'être venu nous parler de ce problème à trois corps que vous voyez beaucoup plus complexe et beaucoup plus réel que la trilogie excellente, autant aussi bonne qu'elle soit, de Liu Cixin. Merci à toutes l'équipe de la méthode scientifique, c'est Alex Dang aujourd'hui à la technique. Demain, nous reviendrons sur la crise que traverse la presse de vulgarisation scientifique française après le rachat de Science et Vie par Reworld et la fusion annoncée de la recherche et de Science et Avenir. Et puis, notez bien dans vos agendas nos deux émissions spéciales de fin d'année. Jeudi, diffusion de l'entretien avec Ada Palmer à l'occasion de la sortie du deuxième tome de sa trilogie. Cette réédition, c'est au Bélial. Et puis, vendredi, on ne vous laisse pas partir en vacances sans vous mettre de la SF plein la valise. On se retrouve demain à 8h55 pour la dernière radiographie du coronavirus de la saison. Et puis, à 16h. Évidemment pour la méthode scientifique jusqu'à preuve du contraire.